lui demanda l'empereur. Autrefois, répondit-il, Jin Song étant tombé malade, Fan Qin le pria d'instituer son successeur. Il présenta jusqu'à 19 placets et attendit l'ordre impérial pendant 100 jours. Sa barbe et ses cheveux en devinrent blancs. N'est-ce pas là un fidèle serviteur? L'empereur tomba de son avis. Quand Shaopian fut sorti du palais, Wang Anshi lui dit « Seigneur, n'avez-vous pas eu un différend avec Fan Qin ?»« Comment aurais-je osé ?» répondit Shaopian, « oublier la justice pour une querelle particulière ?» Anshi fut couvert de confusion. Peng Cui, qui vivait sous la dynastie des Ming, avait été inspecteur des études dans le département de Nanyang. À l'époque de l'examen de province dans le Yunnan, il fut invité à remplir les fonctions de sous-inspecteur du concours. Quand il arriva dans le Guangxi, un homme qui prenait le titre de bachelier demanda à le voir et lui offrit, à l'occasion de sa visite, une somme considérable. Peng se mit à rire et refusa ce riche présent. Au bout de 3 jours, le bachelier se mit à le suivre dans le même but. Peng entra en colère et ordonna à ses gens de le saisir, mais ils ne purent l'atteindre. À son arrivée dans la province de Yunnan, les magistrats le traitèrent de la manière la plus brillante et s'en rapportèrent à sa décision pour tout ce qui regardait les examens. Quand le concours fut terminé, ils apprirent que le prince de Qian, qui avait des intelligences avec l'inspecteur en chef, avait fait porter sur la liste des licenciés un grand nombre d'étudiants sans mérite. Ils prirent des informations et reconnurent que Peng était le seul qui ne se fût point laissé gagner. Les deux hommes dont nous venons de parler n'ont point sacrifié par des motifs privés ou par partialité les intérêts de la justice ou ceux de l'État. Ce qui s'écarte de cette règle de conduite ne reste jamais impuni. Usurper les talents des autres. Commentaire. Le mot th'1 veut dire prendre furtivement, dérober. Le mot nang 4 signifie talent, capacité. Par exemple, s'emparer secrètement d'une composition littéraire et dire qu'on en est l'auteur, s'emparer secrètement des exploits des autres et en revendiquer la gloire, dérober les plans, les stratagèmes de guerre des autres et dire qu'on les a tracés soi-même, emprunter les talents des autres, usurper leur nom, etc. Cette conduite allume au plus haut point la colère des dieux. Histoire Kaoling avait étudié dans sa jeunesse la doctrine des Taoïstes. Sur la fin de sa vie, il fut tourmenté par les démons. Il invoqua le secours de Lao Tzu, qui rendit cette décision. Il y a déjà longtemps que Kaoling a perdu sa vertu et que les démons se disputent sa possession. Ce n'est pas tout, il a dérobé une inscription antique et a voulu faire croire qu'il en était l'auteur. Que l'intendant des eaux le châtie pour avoir usurpé les talents des autres et acheté des éloges à prix d'argent. Il a mérité d'être mis à la tête des fourbes et des imposteurs. C'est une punition à laquelle il ne saurait échapper. Kaoling mourut quelque temps après. On voit par là que celui qui trompe les autres ne manque jamais d'encourir les châtiments du ciel. Cacher les bonnes qualités des autres. Commentaire. Le mot pi-1 signifie cacher, couvrir quelque chose, empêcher qu'elle ne se répande, qu'elle ne soit connue du public. Le mot chen-4 veut dire les bonnes qualités de quelqu'un. Quand un homme a de bonnes qualités, vous devez les proclamer avec éloge, afin que sa réputation s'étende jusqu'à la postérité la plus reculée. Si, au contraire, vous les cachez avec intention, afin qu'elle reste ensevelie dans l'oubli, vous attirez sur vous la colère des hommes et des démons. Histoire. Lorsque Yuchin était au monde, il bâtit un temple de Taose, et eut le désir de transmettre à la postérité la mémoire de cette bonne œuvre. Ayant trouvé par hasard une vieille inscription qui était déjà presque effacée par le temps, il enleva en grattant les anciennes traces des caractères et en grava une nouvelle. Un jour il fut frappé d'une émotion subite, et entendit au milieu des airs une voix qui lui dit. Quoique les caractères de l'inscription antique fussent déjà effacés, le lettré qu'il a jadis composé vous accusera d'avoir usurpé son nom pour obtenir de la réputation. Hâtez-vous de réparer votre faute. Yuchin chercha le texte de l'ancienne inscription et le fit graver sur une nouvelle table de pierre. La nuit suivante, il vit en songe un homme qui lui dit avec l'accent de la reconnaissance. Grâce à votre bonté, Seigneur, mon nom a été remis en lumière. Dès ce moment vous rendez témoignage à la vérité du Tao. On voit par là qu'après leur mort, les hommes, qui sont dans l'autre monde, désirent encore qu'on mette au grand jour les caractères qu'ils ont tracés. À plus forte raison cette publicité doit-elle s'étendre aux bonnes qualités des hommes, qui sont bien plus importantes que les caractères qu'ils ont écrits. Sous la dynastie des Ming, dans les années Van Li, 2573 à 1620, on fit rédiger une histoire particulière du district de Qianguinyan, et on chargea de ce travail un bachelier pensionné. Il vit, dans un mémoire, deux femmes que l'on citait pour leur chasteté, mais ne trouvant point que leur vertu fût appuyée de preuves solides, il prit la liberté d'effacer leur nom. Quelques jours après, un Taose entendit en songe deux femmes éplorées, qui adressaient des plaintes au dieu du temple de la ville auquel il était attaché. Pendant notre vie, disait-elle, nous avons gardé la chasteté, et nous sommes mortes pour la défendre. C'est à ce titre que nous étions cités dans les mémoires historiques du district. Mais tel étudiant, au lieu de s'informer de notre famille et de nos actions, et de faire connaître hautement notre vertu, a osé effacer notre nom, et éteindre pour jamais la réputation que nous avions acquise. Le dieu dit à ses femmes. Cet étudiant devait parvenir au grade de docteur, mais puisqu'il a montré un tel mépris pour des femmes qui ont préféré la mort au déshonneur, il ne doit ni obtenir de l'avancement ni jouir d'une longue vie. Les deux femmes saluèrent le dieu en pleurant et se retirèrent. Le lendemain, le Taose raconta à l'étudiant ce qu'il avait entendu, mais celui-ci l'accusa d'imposture. L'année suivante, ce bachelier fut mis hors du concours et en mourut de chagrin. On voit par là que les personnes qui sont mortes désirent encore dans l'autre monde qu'on loue et qu'on fasse connaître leurs bonnes qualités. À plus forte raison doit-on se garder de cacher les bonnes qualités des hommes vivants, faire ressortir les défauts des autres. Commentaire. Le mot yin un, signifie mettre au jour, manifester, publier. Le mot cheu 4 veut dire défaut, imperfection. En général, quand un homme fait une action blâmable, tantôt c'est le résultat d'une erreur passagère, tantôt d'un accident malheureux. Nous devons employer tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour cacher sa faute. Nous montrerons par là des sentiments nobles et généreux. Si, au contraire, nous mettons au jour les fautes des autres, si nous ajoutons même de nouveaux détails pour les faire ressortir davantage et les aggraver, si nous publions en tous lieux leur déshonneur, ils conceveront contre nous une haine éternelle, et nous perdrons le mérite des vertus que nous avions pratiquées en secret. Histoire. Nietsongi aimait à composer des vers satiriques. Il fut condamné pour avoir calomnié le gouvernement et mourut en exil à Tangcheou. Chang-Tzi avait inséré dans une comédie une pièce de vers satirique qui mettait à découvert les défauts d'une personne. Sur la fin de ses jours, il fut atteint d'une maladie cruelle. Il se coupa la langue avec ses dents et mourut. Nous n'achèverions pas de raconter toutes les espèces de châtiments qui sont réservés aux hommes médisants. Mais rien ne nuit plus aux bienfaits secrets que nous attendons du ciel que de révéler ce qui se passe dans l'appartement des femmes. Ce qui attire sur les autres hommes une honte qui les suit pendant toute leur vie et ce qui leur donne des sobriquets ridicules seront punis plus sévèrement encore que Chang-Tzi. Mettre au jour les affaires cachées des autres hommes. Commentaire. Le mot qui est, signifie révéler. Le mot C, 4, s'applique ici aux projets secrets, aux affaires privées. En général, ce que les hommes craignent le plus, c'est qu'on ne vienne à connaître leurs affaires secrètes. Si vous voulez absolument les découvrir et les révéler au grand jour, afin de leur faire perdre l'estime dont ils jouissent, vous vous attirerez leur haine et leur inimitié, vous diminuerez vos vertus, et vous appellerez sur vous les plus cruels malheurs. Yao Shang Megaokta disait, « Quand une chose s'est passée devant vous, à peine devez-vous ajouter foi au témoignage de vos yeux. » Quand vous avez appris quelque chose de louche sur le compte d'une autre personne, gardez-vous d'en ouvrir la bouche. Yuan Zifan disait, toutes les fois qu'une chose intéresse la vie entière d'un homme, quand vous l'auriez vu de vos yeux et entendu de vos oreilles, gardez-vous d'en parler. Abstenez-vous avec le plus grand soin de toute parole qui pourrait nuire au respect et aux égards que vous devez aux autres, fût-ce un propos sans conséquence ou une plaisanterie inspirée par la gaieté du vin. Il disait encore, il ne faut point parler des défauts des hommes vivants, il ne faut point souffrir qu'on parle des défauts de ceux qui sont morts. Confucius disait, ne révélez pas les fautes des hommes. Tse Kong disait, je hais ceux qui révèlent les fautes des hommes, afin de passer pour droit. On voit, par ce qui précède, combien sont coupables ceux qui recherchent les fautes des autres avec une avide curiosité, pour satisfaire la démangeaison de leur langue. Histoire Liu Pin et Liu Zhu se trouvant un jour ensemble dans le même hôtel, le premier dit à son compagnon, « Tirekedratin, j'ai entendu dire qu'avant-hier vous avez bravé la pluie pour aller à l'ouest de cet arrondissement. Quel était le motif de cette visite ?» Zhu lui répondit, il y avait bien longtemps que je n'avais vu le seigneur Ting. Voilà pourquoi je suis allé lui rendre visite. Ting est maintenant juge au tribunal des peines, lui dit Liu Pin en badinant. Est-ce que vous auriez par hasard quelque chose à lui demander? Zhu fut blessé de cette question, et il en conçut un ressentiment qu'il n'oublia jamais. Quelque temps après, Liu Pin obtint des renseignements sur la visite que son ami avait faite au seigneur Ting, et il reconnut qu'il en avait deviné le motif secret. On voit qu'un mot de plaisanterie, échappé par imprudence, fait naître quelquefois des haines implacables. Combien sont plus blâmables encore ceux qui révèlent à dessein les défauts des autres? Comment pourraient-ils ne pas appeler sur leur tête les plus cruels malheurs? Consumer sourdement la fortune des autres. Commentaire. Le mot Ao, signifie dissiper, dissoudre secrètement, d'une manière inaperçue. Le passage cité s'applique à ceux qui engagent les autres à se livrer au jeu ou à la débauche, qui les entraîne dans des parties de plaisir, qui suscite entre eux des querelles et des procès, qui les trompe à l'aide des prétendus secrets de l'alchimie, qui leur font consumer peu à peu ce qu'ils possèdent, et tirent profit de leur ruine. Ceux qui se rendent coupables d'une méchanceté aussi odieuse, ne manquent jamais d'en être cruellement punis. Histoire. Un homme de la province de Sichuan, nommé Wen Qi, trompait les hommes à l'aide de l'alchimie, et il avait déjà ruiné un grand nombre de personnes durant le plus distingué. Un riche marchand nommé Li Shiwen, qui avait amassé d'immenses richesses, devint également la dupe de Wenqi. Au bout de 3 ans d'expérience alchimique, sa fortune se trouva entièrement épuisée. Il se pendit de désespoir. Wenqi alla exercer son art trompeur à Qiancheu, mais un jour le feu prit dans sa maison et la réduisit en cendres. Il s'enfuit avec précipitation, et dans son trouble il se jeta au milieu d'un bois, d'où il fut chassé par des bêtes fauves et des oiseaux de proie. Le lendemain matin il fut pris et décapité au milieu de son laboratoire. Dans les années Qiaxing, 2522 à 1567, il y avait un homme riche nommé Xu Qi, qui était connu par sa ruse et ses supercheries. Un jour, il imagina un stratagème pour s'emparer de la maison de Xupa. Il trompa son fils Xu Qin et l'entraîna au jeu et à la débauche. Celui-ci vendit aussitôt sa maison à Xu Qi pour acquitter les dettes onéreuses qu'il venait de contracter. Dans la suite, les deux fils de Xu Qi et ses 5 petits-fils furent attaqués de consomption. Xu Qi fit offrir un sacrifice pour obtenir leur guérison. Il rencontra un mendiant qui lui demanda s'il n'était pas Xu Qi. Hier soir, ajouta-t-il, comme je dormais dans le temple, j'entendis un homme vous accuser devant le dieu d'avoir ruiné en secret sa fortune et de vous être emparé frauduleusement de son patrimoine. Le dieu fut courroucé contre vous. Xu Qi frémit de crainte en entendant ce récit. Il s'en retourna aussitôt chez lui et mourut subitement. Ses 2 fils et ses 5 neveux périrent tous ensemble de consomption. Ces 2 exemples montrent quel châtiment est réservé à ceux qui minent sourdement la fortune des autres. Conclusion. Mao Kitsong disait: je vois souvent des hommes puissants et comblés d'honneur, des personnes qui se sont subitement enrichies, dont les fils ou les neveux se livrent à tous les excès du luxe et du plaisir. Tantôt leur bien passe secrètement en d'autres mains avant qu'ils n'aient quitté la vie. Tantôt leur corps n'est pas encore refroidi, que déjà des étrangers se sont partagés les débris de leur fortune. Les pères ont amassé denier à denier d'immenses richesses, et leurs enfants les jettent et les prodiguent comme si c'était du sable ou de la boue. Et cependant, ces enfants dissipés sont pour la plupart doués d'intelligence et d'esprit. D'où vient cela? Parce que dans l'origine leurs pères, abusant de leur autorité et de leur lumière, ont pressuré le peuple ou l'ont fait tomber dans leur piège pour amasser cette grande fortune. Ils ont commencé par miner secrètement la fortune des autres, et à la fin leur propre fortune a éprouvé le même sort. On dit communément, ce n'est que justice si les richesses mal acquises sont follement dissipées. Cet axiome, qui exprime fidèlement notre pensée, peut servir de leçon aux avares, qui ne songent qu'à entasser des monceaux d'or. Séparer les parents, qui sont unis comme la chair et les os. Commentaire. Le mot li, un, signifie désunir, séparer. Par les mots kaoju, la chair et les os, on entend les plus proches parents, le père et le fils, les frères aînés, les frères cadets, le mari et la femme. Ceux-ci, par leurs paroles, sèment la discorde au milieu d'eux, et éteignent les sentiments d'affection qui les animent, ceux-là les séparent les uns des autres, et empêchent qu'ils ne soient jamais réunis. Une telle conduite détruit les vertus qu'ils ont accumulées en secret. Il faut donc employer tous ses soins, toute sa vigilance pour s'en préserver. Histoire. Lorsque Yu Kong vivait dans la province de Shenxi qui était sa patrie, une troupe de brigands vint à surgir tout à coup, et répandit le trouble dans tout le pays. Ayant perdu son fils dans sa fuite précipitée, il chercha un asile dans la province de Qiangnan, et eut le désir de prendre une femme du second rang afin d'avoir un autre fils. Il arriva par hasard qu'un homme vendait sa femme. Yuan Kong l'acheta pour 30 onces d'argent. À peine cette femme fut-elle arrivée chez lui, qu'elle se mit à fondre une larme, en tournant le dos à la lampe. Il lui en demanda la cause. Nous étions réduits à une extrême misère, lui répondit-elle, et nous étions sur le point de mourir de faim. Voyant que mon mari voulait se détruire, je lui ai offert de me vendre pour lui procurer de quoi vivre. Je pense aux bontés qu'il avait pour moi, et à l'attachement mutuel qui nous unissait. Ce bonheur a disparu en un matin, et maintenant me voilà réduite à servir un autre homme. Telle est, Seigneur, la cause des larmes amères que vous me voyez verser. Yuan Kong fut touché de compassion, et n'osa user de ses droits. Le lendemain matin, il la reconduisit à son mari, et n'exigea rien au-delà du prix qu'elle lui avait coûté. Ce n'est pas tout. Il leur donna 100 onces d'argent afin qu'ils puissent se procurer les moyens de gagner leur vie. Les deux époux le saluèrent en pleurant et acceptèrent cette somme d'argent. Ils formèrent le projet de lui chercher une jeune femme qui pût lui donner un autre fils. Quand ils furent arrivés à Yangcheou, ils rencontrèrent plusieurs hommes qui allaient vendre un jeune garçon. « Puisque nous n'avons pas pu trouver une fille, se dirent les deux époux, pourquoi ne pas acheter ce jeune garçon et l'offrir à notre bienfaiteur ?» Ils s'informèrent du prix qu'on en demandait. On leur répondit qu'on voulait autant d'onces d'argent que le jeune garçon avait donné, et comme il était âgé de 12 ans, ils l'achetèrent sur le champ pour 12 onces d'argent et le conduisirent chez Yuan Kong. Celui-ci l'ayant examiné attentivement, reconnut en lui le fils qu'il avait perdu. Le père et le fils s'embrassèrent en pleurant, et bientôt après ils firent éclater leur transport de joie. Voilà la récompense qu'obtint Yuan Kong pour avoir réuni des parents qui étaient liés comme la chair et les os. Il y avait dans la province de Sichu un homme appelé Cao Tingnai. À l'époque où il n'avait encore obtenu aucun grade littéraire, il ne passait jamais devant un certain temple sans faire un profond salut. Le dieu du temple apparut en songe des servants et lui dit « Je vous prie de faire construire un mur devant la porte de mon temple, car lorsque le docteur Cao vient à passer par ici, il m'oblige à me lever et trouble mon repos. » Le des servants allait faire commencer la construction du mur, lorsqu'il vit encore en songe le dieu du temple, qui lui dit « Il n'est pas nécessaire de bâtir le mur dont je vous ai parlé. Cao a écrit pour un autre homme un acte de divorce. Il ne pourra plus obtenir un grade élevé. » Cao, en ayant été informé, se repentit de sa faute et pratiqua le bien. Dans la suite, il ne put obtenir que le grade de licencié, et tout son avancement se borna à être nommé député. Cao Tingnai fut châtié de la sorte, pour avoir écrit un acte de divorce au nom d'un autre homme. Il aurait été puni d'une manière plus sévère s'il ne se fût point repenti de sa faute, et s'il n'eût point pratiqué la vertu. Il est facile d'apprendre par cet exemple combien est grave le crime de ceux qui, de propos délibérés, séparent les parents que le ciel a unis comme la chair et les os. S'emparer des choses auxquelles les autres hommes sont attachés. Commentaire. Le mot th'in signifie usurper, envahir. Les mots so'ai, ceux qu'ils aiment, peuvent s'appliquer à un bien patrimonial, à une femme, ou à tout autre objet auquel les hommes sont attachés. Dès qu'un homme aime un de ces objets, comment pourrait-il se décider à le donner à une autre personne? Mais si vous voulez absolument vous en emparer, Croyez-vous que le possesseur verra avec plaisir cette usurpation? Le ciel lui-même ne le pourra souffrir. Vous perdrez cet objet aussitôt que vous l'aurez obtenu, et, en outre, vous serez puni de la manière la plus rigoureuse. Histoire Yavayoche ou un homme appelé Linta. Un homme du même endroit venait de perdre son père. Les pronostics tirés du vent et de l'eau annonçaient que l'endroit qu'il avait choisi pour la sépulture était heureusement situé. Linta fabriqua un faux contrat et dit qu'avant de mourir, le père de cet homme lui avait vendu ce terrain. Celui-ci plaida pour conserver la possession de son champ et perdit son procès. Linta transporta en cet endroit les ossements de son père et les enterra. Quand il eut achevé cette cérémonie, il vit en songe son père, qui lui dit « C'est le cœur de l'homme, et non le sol d'un tombeau, qui est la base du bonheur. Comment pourrait-on fonder le bonheur de ses fils et de ses petits-fils dans le champ que l'on a ravi à un autre homme? Vous mourrez sans laisser de descendants. » Cette menace s'accomplit dans la suite. Cet exemple devrait servir de leçon à ceux qui s'emparent de ce qui appartient aux autres. Aider les hommes à faire le mal. Commentaire. Le mot « tsu » signifie « aider ». Les uns aident par le parole et leur discours, les autres prêtent le secours de leurs bras. Les mauvais faits signifient faire de mauvaises actions. Toutes les fois que vous voyez un homme disposé à faire le mal, vous devez l'en détourner par de bons avis, ou l'en empêcher afin qu'il ne puisse exécuter son mauvais dessein. Ces deux choses sont également méritoires. Si au contraire vous aidez un homme à faire le mal, il portera seul la peine de son crime, tandis que votre réputation restera intacte aux yeux du public. Mais les démons et les esprits veillent sur votre conduite, vous ne pouvez manquer d'être puni avec une double sévérité. Histoire. Yang Xiu était doué d'un caractère adroit et insinuant. Il savait pénétrer les intentions des autres. Yang Kai, gouverneur du district de Tanyang, était d'un naturel violent et emporté. Il vivait dans la plus grande intimité avec Yang Xiu,